Parlons-en, les lotos Ali mardi. Les lotos mardi, parlons histoire, bien évidemment. Vous avez été très, très, très nombreux à regarder l'émission de la semaine dernière qui a battu tous les records d'audience. Il y a Parlons-en, en tout cas. Merci, Mingi, pour la fidélité et confiance. Bozo Sanabiso. Tokutani, les lots, les sous, pour Nako Koba, les solo. Il y a Bon Moï, il y a Kondo, Etienne, Tshisekedi, Wamulumba. Marcel Kitamba, l'ambote na yo. Mbote mo l'amboka tiri kambundi, mbote pe la bande konyoso, bazali kolanda biso. Mbote pe merci mingi na Thomas Luaka, Losenjola, chercheur en histoire, pe invité na biso, y a parlons histoire, y a mon collègue. Merci mingi. Voilà, merci beaucoup. Alors, toko banda, loko ato mesana, na lobby, merci mingi, bande kubayambi, angosori botali émission na biso, na YouTube, ce botali yango na Facebook, botali na ba commentaire, na nombre de vues, au remona que vraiment vous avez été très très très nombreux à bien accueillir cette émission. Ba remarques, zangité, compléments d'infos, ba suggestions, surtout surtout ba encouragement, bino ebele ba personnalité politique, bino ba ebovanda pe bokotoya, Kondo Etienne Tshisekedi, bozanga ipete ko benga, ko bakisa awa, ko encourager. Merci mingi. Le plus important, Zali, que tout ça, là, yango, pour être bana mboka, ba yeba, ba yeba marka histoire, ya mboka na biso, ba utawapi, ba vivan nengeni nipe, en quoi ils ont marqué l'histoire de notre pays. Nekotoma luaka, ya mingi ya koloba, Zali, na poso eleki, to bandela mwa moke, pour na rafraîchir ba to mémoire, to bandaki penza na e bandeli, ya bon moi, ya Kondo Etienne Tshisekedi. Ndenge ya botamaki, ndenge a koli, ndenge a évolué, a commis moi na kela, c'est pe malem, ndenge a kokot politique. Moi, petit résumé, avant to kota na chapitre à l'élo, deuxième partie, ya vie, ya Etienne Tshisekedi, Wamulumba. Merci Mingendeko, na résumé to lobaki yango, Etienne Tshisekedi, Wamulumba, abotami na Kabulwanda, abotami na Kabulwanda, le 14 décembre 1932, Tata na ye. Kasai occidental. Kasai ouais. Occidental. Tata na ye, kombo na ye, Alexis Mulumba. Mama na ye, kombo na ye, Agnès Kabena Mwauka. Abotami ye mokote, abotami na bandeko na ye msusu, fami mwimba bazalaki, 8. Na profite po na ba kombo na, na lobaki awa ya bandeko ya Etienne Tshisekedi. Ndenge ndeko tere kambonde ya koloba awa pona pona ba ndeko basa kolanda biso basa na ba remarque ya kosala basa na ba critique basa na ba correction tozali ouvert na cadre wana moko ya mwana ya Etienne Tshisekedi a tindela ki biso message a féliciter biso mais a apporter quelques corrections na loba ki awa ke leki Etienne Tshisekedi kombo na ye Alexis Mulumba alobi kombo na zaki Alexis te Alexis Mulumba zalaki cousin ya Etienne Tshisekedi leki ya Etienne Tshisekedi kombo na zaki Alexandre Mulumba donc erreur wana liboso Alexandre ya mibale ayebisi biso tata mwasi na ye to benga ki ye Petroni Kapinga eza Petronite ezali Clotilde donc to corriger place na Kapinga kombo na ye Clotilde donc problème ka ba prénom Et puis pour aussi ça va remarque na ye to lobaki awa ke mwana ya liboso ya Etienne Tshisekedi na mama Marthe babotaki na 1958 alobite abotamaki na 1959 ya mi balé 61 ya mi satu Félix Tshilombo 63 donc voilà ba correction ndeko apesa ki biso merci mingi na ndenga za kolanda biso donc to continuer abotami to tangi ba komba bande kona ye to mona ki ndenge ni nakuta na mwasi na ye mama Marthe Oui, à outre que la musala infirmière na Mikalai, baye bakutani babalani na Kananga na Lulabour. Et puis Tshisekedi ayeko tanga na campus ya Kinshasa awa na Lovanyoma, azali seul donc à côté na faculté à droit et puis akoya kosilisa ba classe to mona ki yango ndenge nini tango bafongoli faculté à droit parce qu'à l'époque colonisateur abandai kolingate exactement pas estimé que droit est kufongola ba congolais mémoire mais tango bafongoli yango il y a zali le seul étudiant enfin le seul noir oui le seul noir azala kata faculté azali qui admis oui hein, na test basala ki bazali 150 il y a zali le seul azali qui admis donc o a réussi ça na test à part yeba mindele Bamindele, Banaba ouais. Colomba Zalaki. Voilà, hein. Donc. De toutes les façons, en 1961, tango Tshisekedi a silici, bazalaki 7 na classe ye mutu mwindu moko na bana mindele 6 na mobulu wana ya 60 ba mindele tang ba kimi ba kei ba zungi ba kei na Belgique ti seke di na faculté na classe na ye atikala ka ye moko ya mwana mukola 6 sa classe collation azala ka ye moko donc voilà to mona ki ango mais sikoyo to mona ki ndenge ni pe ba nomé na enda mais sikoyo po na ko banda émission alelo Emisyon alelo na kubanda nao na mwa parenthèse moko. Parenthèse, ba parenthèse nyo soto sala kaweza en rapport na sujet du jour. Eh, bandeko, boza la, po kanisate to bandeko bunganzila. Non, parenthèse nyo soto sa en rapport avec le sujet. To mwona ki ango ke na mwa ya avril 1961, délégation ya ba jeune luba, ba kende ki, ba desida ki ba kende kumona mulopwe. Baki na komona mulopwe, tamona mulopwe na février, kalonji akomi mulopwe empereur, mwasi na ya akomi reine, mwana na ye mukanya, akomi prince héritier. Et Albert Kangalula, premier ministre ya sécession en Kasai kuna, asana résidence surveillée. Les cinq jeunes tomona ki bango ezalaki, Etienne Tshisekedi, Jonas Mukamba, Ferdinand Kazadi, Cléophas Bizala, na Félicien Ilunga. Tomona ki ndenge lekaki, mais si ko tang baza ko solana mulopwe, pendant ces jours na bango na Mbujimayi, ba remarqué ki probablement maman moko azana zemi na entourage ya mulopwe dans la cour du mulopwe maman ko azaki na zemi maman na komone zaki Jeanne Mbombo azan mwasi ya Oscar Mutambayi l'un des proches collaborateurs ya mulopwe Albert Kalonji tango ba Tshisekedi bazongi na mois d'avril ba kimi ende to monaki mutra mtu mwana na mwana bendana anomangi bango sans consultation et puis Etienne Tshisekedi a bengi na kisasa basa ele ene ti mwa noti moko pour dire qu'il était attendu en urgence à Kinshasa yango na kimi et puis moto na moto moko na moko atika lien Ferdinand Kazadi muta atika la donc siko tango bango bazongi na mwa ya mai mama wana Jeanne Mbombo aboti mwana le 22 mai 1961 aboti mwana ba pese kombo ya Kala la Midibu Jean. Et puis, tout le monde qui a en septembre 62, Etienne Tshinyama, le général de l'armée à Mulopwe, la gendarmerie Kasaïne, a fait un coup d'État, il a fait un coup d'État, il a fait un coup d'État, il a fait un exil. Il a proche de la Kasaïne, il a une province normale, il a proche de la Palanganipe. Papa, on a Oscar Mutambayi, na maman Jeanne Mbombo, na bana na bango, il a fait un Kinshasa, ba komi kuvanda na Lemba. Bon, papa Oscar Mutambayi azad dégoûté na politique a comme na fonctionnaire et puis a yembisaka na ba chorale latine na ba église catholique hein? Et moi si na ye a comme maman Malongi maman Jeanne Jeanne bon na Kinshasa Jeanne ba comme ko benga Mazwani Mazwani a comme maman Malongi na ba paroisse Lemba wana mwana na bangoa kala la Midibu Jean a ko ya na 60 ouais ouais 61 wana abotamwe na bakwanga tangwane za nono royaume fédéré. Mwana ana akoya kuyebana na miziki na kumbo ya Jean Goubal. Oh. Donc Jean Goubal. Jean Goubal Kalala. Jean Goubal Kalala. Et puis na profiter pe mama Zwane, donc mama Jeanne Mbombo, soko mama soko zali kolanda biso na pe sombote mingi, lelo oyo azali na 92 ans. Oh. 92 ans d'âge, na kangi parenthèse wana. Donc mama Zwane yo Jean Goubal a boka kana nzembu na ye. Eh. Ouf, na bosa ni kitaze mwana. Eh. Mama Zwani, izarande mama na. Mama na ye, mama na ye, ma Jeanne na kisasa wabenga mama Zwani. Ok. Mama Malongi. Tokangi, parenthèse wana, tozongeli siko yo, Etienne Tshisekedi national na biso. Siko yo, Etienne Tshisekedi, tomona kiango azwi na mwaya décembre. Mwaya décembre 1961, ba proclamé docteur en droit na université à Louvagnum, premier juriste formé na Congo. Avant même collation à Esalama, président Kasavubu, Joseph Kasavubu, a nommé Etienne Tshisekedi directeur général, tout recteur ya Enda, École nationale des droits et d'administration, école anglaise là qui est situé lui comme centre supérieur militaire, na ozone, wana ndeza ki Enda. Donc Tshisekedi a commis wana, a commis ko sala wana le 28 juin 1962. Etienne Tshisekedi azali nommé par le premier ministre Cyril Adula, administrateur de la société Nouvelle Huilerie du Congo. le 20 décembre 1963, Étienne Tshisekedi azali nommé secrétaire ya commission constitutionnelle de Luluabourg. On a tout expliqué, mon moké. Au moins, l'indépendance n'a pas été soit dans la précipitation. Dans la table ronde, on a tout qu'il y a indépendance. Bon, ton dimi, le tosa table ronde ici le 20 février, de yokani que l'indépendance au soit le 30 juin. Si koyo, ba belge, parlement belge, ba adopté loi moko na parlement à Belgique. Louana babinga ngo loi fondamentale. Balobi loko la besoin la constitution te biso to possible no constitution provisoire. Mokolo ba ko après boko sala constitution na binomo. To monaki makambo wana na ba précédents épisodes de Tolobela ki surtout tant que Tolobela ki indépendance en boka na biso. Si ko na 63 ba député au lieu de se concentrer dans la rédaction de la constitution, bango ba kana ba motion, interpellation, nini boyé et puis ko senga mo ba avantage kasavubu alembi kasavubu kangi parlement. Je crois que c'était au mois de septembre. À Kangi Parlement, yango an atie commission moko en place, babinga yango commission constitutionnelle et qui négocie na Luluabourg pour rédiger première constitution ya biso moko. Et Jean Tshisekedi azali nommé na Kasavubu secrétaire ya commission. Et puis le 20 juin 1964, Tshisekedi azali nommé commissaire au compte de la Banque nationale du Congo. Et puis, na fin juin 1964, Albert Kalonji a zongi na Kinshasa. Tout comme on a dit, en septembre 62, Albert Kalonji a kimaki na Kasai, le Kikatanga, a exil na Espagne. A kenda kofa na Espagne, kuna kopi ya royaume fédéré ici là. Azali sou moulopo, ete moulopo comme un exil. Si koyo, tangu Kasavubu a pandi parlement, dam to mona ki ango, ezaka ba rappel rapide. Dans le Parlement en 63, dans le député mécontent, il y a un Brazzaville. Il a créé le Mabengi Senel, Conseil national de libération. Et puis, le président est le Kouanakombo Naye, Christophe Bouigné, a causé un cadre Naïmi Balé na Brazzaville. Il a lobby Kasavubu à l'Inkoyo Kabisote, à l'Inge Yinda, Eko Yinda Siko. Il a eu deux cadres à Tindi Bangobo Kenekubanda Bitumba na Est. Le cadre Wane Zali, Gaston Soumaïli, a eu un combat Gaston Soumialo. Et cadre ami balé ya Gwenye Kombo naye Laurent Désiré Kabila. Donc Laurent Désiré Kabila na soumialo na 64 baké banda rébellion. Rébellion 64 ya Simba. C'est les deux qui ont commencé ça. Et puis les rébellions ebika makamo ninga zalaka ba soda ya gouvernement bazo ki mabitumba ba lui bazar ba kisi parce que ba rebelle tant bazo bunda ba ko yemba mai molele mai molele. Donc ba rebelle bazu presque un tiers ya territoire mobile. Mobutu Kasavubu a dépassé. Il y a un mois, na 64 vers mois de mai, Mobutu a proposé Kasavubu ba bengi sa Tshombe. Tshombe pa Akima ki sécession, ba américain ba casque bleu ba sisa ki sécession na janvier 63. Akenda pe exil na Espagne. Espagne. Sikoyo Tshombe tango azongi awa Kasavubu nommé ye premier ministre. Kasavubu Tshombe a bengi pire na ye obasala ka na sécession ya zaina katanga mulepo zaina Kasai. Abi mulopo ezonga to simbi masolo makamba sécession esili siko biso to konzamboka mulopo aye banome ye ministre agriculture poste aboya kata mulumumba pisaka ye na 64 andimiam mulopo a créé parti na ye babengi yango panako parti nationaliste congolais et Etienne Tshisekedi a adhéré na parti ya pire vie na ye mulopo donc voilà comment Tshisekedi a koti na kati ya panako et puis na Akoya, na mois de novembre 1964, Mulopwe a nommé Tshisekedi directeur du bureau politique à Panako. Deuxième partie de notre chapitre, on va dire, de cette série d'émissions consacrée à la vie d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Parlons histoire, c'est sur Top Congo, c'est dans Parlons-en et c'est tout de suite. Vivez la meilleure expérience Internet avec la 4G plus d'Orange, numéro 1 en couverture et qualité réseau. Donc, Albert Kalonji oui. A créé parti Naé dans la zone, il a été exilé à la zone, il a commis ministre de l'Agriculture dans le gouvernement de Tshombe oui. Et puis a nommé Tshisekedi Petit Naé directeur du bureau politique, il y a parti Naé Panako. Panako. Sikoyo chombe akomi abengisi ba mercenaire to monaki yango a petit ba rebelle nyoso ba kimi donc a pacifier mbok. C'est chombe qui a pacifié ce akomi très populaire d'ailleurs. Très populaire, akomi très populaire justement na popularité wana na mois de mai 1965 chombe a organisé ben élection parce que mandat zaka 5 ans hein, 60-65 donc 65 ba mandé sili na mois de mai chombe a organisé ben élection. Chombe sikoyo a créé plateforme na emoko. Donc on zalaka sécessionniste parti ne banao ben ngo konakati confédération des natifs du Katanga. Tant que sikoyo comme premier ministre à Congo a changé ko ezali sikoyo konakati comme konako hein sikoyo ezali solo à Congo mobima. Comme il était populaire batu ba parti mingi ba comme ba allié naye. Yango wana panako et comme ekoti nakati ya konako plateforme konako. Etienne Tshisekedi a kena ba élection wana. Il y a mai 1965, na circonscription à Kabinda, na couleur ya plateforme Konako, Panako Konako, on est ici quoi. Donc parti Albert Kalonji, et ça qui na quatre ya plateforme politique ya Moïse Tshombe. Voilà. Et Tshisekedi est élu député national na mois de mai 1965. Tshombe, l'homme le plus populaire. A suivi majorité dans le Parlement. Mais excusez-moi, selon l'histoire, en 1965, Ndeko Etienne Tshisekedi a Zalaki P ministre, il y a Mobutu, il y a affaires étrangères, plutôt il y a intérieures, puis affaires coutumières. Non, on a ça avant Mobutu a fait la coup d'État. Ah, on a ça avant Mobutu a fait la coup d'État. Tout ça la moindre. Mais 1965, parce que le règne, il y a le Kasavubu, on sait bien que. Bon, attends, caméra. Rennes à Mobutu et à Kassavou, on sait qu'il a duré pendant 5 ans, 1960, oui. 1965. Oui. C'était fini. Et c'est Mobutu qui prend maintenant la tête du pays. Tokominanouanate, Mobutu a eu dans novembre 65. Il y a Zolo Belaba élection à mai 65. Ouais. Donc, Ndekwaza a raison. Hein? Les élections, et Salamara na étape, na mois de mai, va organiser des élections législatives. Hein? Il y a pas député. Tshisekedi a gagné. Tshombe a suivi député. Si il y a élection présidentielle au Yozoloba, ils ont prévu le 5 décembre 1965. Et Batounyo Sobayebi, puisque l'élection est en Gouana, il y a président de la République, et ça, il y a un parlement. Et que Tshombe Moutazana a majorité dans le parlement. Batoubayebi que Tshombe a comme président. Parce qu'il a la majorité. Il a la majorité au parlement. Yango wana kasafu akoya kulongola Tshombe comme premier ministre et créer ba problème le 24 novembre justement 11 jours avant l'élection présidentielle les chefs d'état-major général à l'époque on appelait commandant en chef de l'armée le général Mobutu azui asalinini asali coup d'état a commis président de la République Kasavubu. Bon, Baloba Katsabou va résister qui peut m'inquiéter parce qu'il y a de toutes les façons dans 11 jours à cause de la sous-présidence et c'est Tshombe qui allait passer. Coup d'état à Mobutu et Zali pour bloquer Tshombe à comme président de la République. Voilà comment Mobutu a eu pouvoir. La question qu'on peut se poser maintenant, comment justement Etienne Tshisekedi a été ministre à Mobutu. Chapitre Eza, alors Kazaki député a parti à Tshombe. Exactement. Moi chapitre c'est très important. Tout le nango na bokebi parce que justement il y a une pratique na Congo où est freinaka développement ya mboka babengi yango la géopolitique. Et les solona ngina beta siko c'est un bon exemple ya obabenga ka géopolitique. Et bandi ndengene. Je me rappelle na Silisa na yo parce que je me rappelle toujours que tu auras un débat, ma casse, une émission, le débat sur utilité à géopolitique, la politique en Burkina Faso. Bref, la grande parenthèse. Donc, après coup d'état naïe, Mobutu, à Salomon le 24, Mobutu a sengi na ba élus nationaux, sénateurs, députés, ba caucus, on est par province. À l'époque, tu as 21 provinces, ba nobe ngomba province 7. Il y a eu une concession à Louloubourg en 64, où Tshisekedi a rédigé, a participé à la rédaction. Mobutu a sengi na chaque groupe y a belu y a province, batin de la e kombo mi balé. Pour la kombo mi balé, on a yako pour na moko a nommé ministre, pour na compte y a province. Donc, eleki bien. Et puis Mobutu Jonas Mukamba aza gouverneur ya Sud Kasai. Alobi mokolo moko boye le 25 novembre téléphone eleli azui téléphone ayoki président Mobutu. Bay banana Mobutu depuis kalaza ka ministre na. Mais a komis ko président. Ah, mais respect monsieur le président. On a autre chose président il y a journée moko ka. Président journée moko kaka. Donc, à Bengi, Jonas Mukamba, c'est que le président, Bengi, monsieur le président, Mobutu a ébissé, monsieur le gouverneur, je vous passe le premier ministre. On a nommé colonel Léonard Moulamba, premier ministre. Mobutu a ébissé, téléphone n'est pas Moulamba. Moulamba a expliqué Kalonji. Alors, écoutez, gouverneur, voici les problèmes de Zanango. Tu as 5 ans chaque caucus, tu as dit que tu as un candidat. Il y a pour autre bakota gouvernement na compte à province mais toza na problème na Kasai na province na yo sud Kasai au lieu à kombo mibale bande kono batinde le biso 5 non si ko yo komoza gouverneur na bango est-ce que ko yiko aide biso na ko arbitrer mukamba lo bien en tout cas merci mingi mais bakombo nini batinde le bino alors bi voici bakombo 1 Albert Kalonji 2 Joseph Ngalula 3 Honoré Kadima 4 Constantin Chalamona, 5 et Chen Chisekedi. Ah, Mukambalo bien, en tout cas, merci Mingi. Nenge bosenga na arbitre, est-ce que vous pouvez faire une journée? On a tous un mercredi, alors vous pouvez faire une journée? Moulamba ebisi, oui, tu peux faire une journée, mais il y a gouvernement, il faut bima absolument le 28, le samedi. Donc, il y a un que tout ça moi pressé. Mukambalo bien, problème est ça. Mukamba, le jeudi, à Bengisi, monsieur. Barthélemy Dibumba. Dibumba, Barthélemy Dibumba, il est président de l'Assemblée provinciale du Sud-Kassai. Na monsieur Anaclet Makanda. Il est vice-président de l'Assemblée provinciale. A Bengi Bango pour la séance de travail. Et puis, dans Bakomi, a expliqué Bango Lobby, voilà qu'il chasse Bengaki Lobby, problème Bazana Moyango. Basengaki Bande Konabiso, Kombo Mibale, Bande Kobatindi, 5 non. Yango Basengi Biso, arbitré na bakomboan. Sikoyo mukamba lobi pona ngai. Namoni déjà tobwa ki sa kombo mibale. Tolongolango déjà na liste wana. Oh, kombo nini? Albert Kalonji na Joseph Ngalula. Tolongola bango pona nini? Abibo ebi ke batwana mibale nde ba bimisaka mobulu na province na biso. Na concept moko boye ba créer qui n'existait pas avant bango ba ko créer des concepts na ba instrumentaliser ango baluba ya likolo na baluba ya se hein na kasai ba kati communauté en deux parties ba o ya likolo ya se na kiluba ba tu ya likolo ba benga ba tu ya colline hein na kiluba benga ka mukuna mukuna ya kisi colline ba to ba vanda kana se na se vallée na kiluba benga ka chibanda donc comme bena mukuna na bena chibanda. Si koyo concept wana Kalonji tangwa ye ipare tangwa zaki mulopwe anomaki kaka bande konaye parce que Kalonjaza bena mutu ya yase ya chibanda donc batu yase mutu basoki pouvoir Ngalula tangwa ko remplacer Kalonji Ngalula zuka kaba luba likolo et puis bimisa ba conflit les conflits intercommunautaires il y a eu beaucoup de morts, des centaines de morts mukamba lobi ba viona mibale mutu ba mbruye ki biso na province tokoy ko ndima sote bazunga na ba responsabilité. Président et vice-président, mais non, argument est valable. De longo la bango. Balongoli, les deux combo. Etikali, trois noms. Etikali, trois noms. Na trois noms en Etikali, Mukamba continue. Alobi, écoute, Ngana Moni, Batikali, Honoré Kadima, Constantin Chibandana et Tien Chiseke. Alobi, Ngana Moni, il faut te longo la paix, Honoré Kadima, na Chalamouane. Batunye, de longo la bango pour elle. Abi, Chalamouane, Honoré Kadima, Nangai. Toza ba originaire ya secteur moko biso so to ba ta chilenge siko ye ko pesa bien te na opinion ga gouverneur mu ta chilenge to tinda pe ministre na Kinshasa mu ta chilenge e ko sala bien te donc nga na moni to longo la bango parce que toza na bango secteur moko ah ba partenaire pe balobi non c'est logique hein oza na raison mais oza objectif kombo itikali ya nani ya HNC Tshisekedi wa mulumba e HNC Tshisekedi par rapport a mukamba mukamba za mutu ya mukuna batu ya likolo Tshisekedi za mutu ya sei babi okay et pese équilibre na province totinda kombo ya Tshisekedi voilà comment Mukamba va saisir l'être, va commis l'être dans la combo et Etienne Tshisekedi, à l'obi, l'être est fondamental, on peut savoir que pas Moulamba. Azui avion. Azui a décollé dans Mbujima le vendredi, a commis Awa le 27, a commis Awa Mbalamoua Kena Mongalema, comme on a Moulamba, premier ministre. A commis Kuna, a coûté un président Mobutu. Mais a senti déjà, moi, malaise des amis. Problème n'est apparemment, deux politiciens à Minen avaient déjà convaincu Moulamba, na Mobutu, Bazoua Tchalamouana, Bazoua Tshisekedi. Oh, ma politicien, on a ni Justin Marie Bomboko, na Victor Nendaka. Balobi Bazoua Tshisekedi. Ponani, argument na Bangouza Nini. Ponani, Mobutu Bazoua Tshisekedi. Alobi, Aza et lui a. Il a parti à Moïse. Voilà, Aza Mouta Moïse. Moïse. Aza Mouta Moïse Chombe. Donc, ça, il est pendant confiance. C'est parce que Bango. Tendance à la banque, ça radéco. Elle est partie à la maison, c'est ça qui radéco. Abbé Azamou, tu as la plateforme, elle a bisoté. Ah, si c'est pas Johanna, tu as la confiance. Moukamba va plaider pour un équilibre géopolitique et la province. Bazoua, Kombo et Etienne Tshisekedi. Voilà comment, le lendemain, le 28, Etienne Tshisekedi est nommé ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières. Merci, Mingye, Paiwana ndeto telemi pona eteni ya yambo ya emission na biso ya mokola lelo bokende mosika te bande kobalandi tozozwa kaka basango na lokota ya Lingala pendant une dizaine de minutes simana yango tokozongela bino pona kokoba lisolo oyo la vie d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba dans parlons histoire lelo deuxième partie avec Thomas Luaka Losenjola auta wapi asala nini na politique ya mboka na biso tozali kolobela yango na Thomas Luaka Losenjola, chercheur Moluki Namai Matali, Lissitoile, chercheur en histoire. Deko Thomas Luaka, gouvernement à Liboso ya Mobutu, après coup d'État, il y a novembre 1965, à Sengi, na caucus, il y a ba député, Nyon Sobatin de l'Eba, Komo Mibale, Mibale, Mibale, ba député sénateur, il y a les 21 provinces 7. Oui. Na kati ya ba komwana ropona moko moko moko moko mais na Kasai Kasai sud Kasai ou le Kasai oriental hein? Na Kasai oriental ba pesim ba kombo mitano Mobutu na premier ministre na ye ba bengi gouverneur ya province ya oye komi le Kasai oriental asunga bango na arbitrage et bango ba proposer kombo ya moto moko pona ba raison évoquant ki kombo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba ye moko gouverneur aye na kombo wana po ya kopesa me akuti Mobutu na premier ministre na ye na ambara parce que deux hommes politiques ba hommes politiques mibale ya minene ba lingi tete ba pona Etienne Tshisekedi comme ministre pona nini po azaki député élu na plateforme ya Moïse Tshombe to suka ki wana merci Mingendeko. Et tout moni le 28 samedi le 28 novembre 1965 gouvernement Ibimi Tshisekedi ministre intérieur et affaires coutumières gouvernement go banani sous na kati et puis tout à la préséance pona kola ki sa ke tango Tshisekedi akoti na gouvernement il n'est pas proche du président Mobutu au moni d'abord ninge kombona e komi hein? Donc c'est vraiment un circuit parallèle peut-être au fond la parenthèse mouke na géopolitique ndeko. Ponani na lobby et lokwane za ko bomamboka parce que biso na ndenge to sala la politique na Congo to confonda ka biloko mibale la représentativité na efficacité et la kisini population azana besoin ya kozala na ba représentant na niveau ya central ya pouvoir représentation wana yango to lukaka na kati ya parlement chaque coin chaque territoire hein batindi mutu na bango aya ko représenter bango. Ça, c'est l'Assemblée nationale ou le Sénat. Mais gouvernement, c'est une équipe technique réduite. Et ça, moi, équipe technique chargée à résoudre les problèmes de la société. Et ça, c'est mini-parlementé. Si on a une conception, on a Congo, tu comment on voit gouvernement, non parlement en miniature. Voilà. Il faut la tribune, il faut la province, il faut la. Donc, on est au privilégié technicité, on est au privilégié efficacité. Efficacité, oui. De remonter à la A. Biso bato Kasai bazate bato ya Congo ouais. Central bazamu kié bato ya Nord Kivu bazali représenter ouais. Donc et comment c'est qui fait que le gouvernement na biso ezalaka efficacité pour la géopolitique exemple to pese Etienne Tshisekedi bon heureusement parce que Tshisekedi a les profils hein docteur en droit, il a une expérience. Et quoi, il a mouta malamo. Mais na ebison de ko plusieurs fois. Et quoi, il y a un numéro. Hein, géopolitique, wana. Et au keno quoi, il y a un. Tilelo d'ailleurs. Tilelo, et keno quoi, il y a un moutou moko boye, bomitouni, a komi wana ndengenin. Géopolitique, moutoubimi yana. Donc, ce qui te ligne, ma kamboye changer, il faut te changer. Puis, conception, na biso, il y a gouvernement. Gouvernement, ils allient parlement, tout le kaka représentativité. Malheureusement, wana faut retoucher la course. Non, constitution est prévue à monter. Les cabas géopolitiques. Non, non, le gouvernement. Équilibre géopolitique. En tenant compte. En tenant compte. Mais, et la question c'était que. N'appelle ça exemple, mon grand. Je reste convaincu. Ngaï. Tokoki kosa la gouvernement lelo ao. Atamu Congo mokote azanakati. Ça ne posera aucun problème. Ce qui gouvernement a problème, il y a l'Iboso va résoudre. Et ça est le problème à Congo central. Tu as Congo central, tu as besoin de représenter le gouvernement. Pour la solution à problème, tu as besoin. Exactement. C'est ça qui les intéresse. Surtout, et comment il y a un langage. À ça, il y a des gens qui ont un gouvernement. Il y a des gens qui ont un gouvernement pour ça. Il y a des gens qui ont un province. Il y a des gouvernement pour ça. Il y a des gens qui ont un gouvernement. Ce qui est parmi les gens, il faut résoudre. Il faut résoudre. Mais comment on dirait, nommer Thomas Louaka, le roi Azam de la province Songola, il faut ça la mingi pour la province n'aie pour le monde qui a ça la malade. En réalité, gouvernement Zali Léopard, équipe nationale. Voilà. Équipe nationale, pour nous, ça la géopolitique. Pour nous, le baraté, non, gardien, on a, bah, Congo, bah, comme il m'a mis ça tout le terrain, il faut changer gardien, tout le monde, il y a mon bal. Alors que ce qui nous intéresse, Léopard est gagné. De mettre les meilleurs. Les meilleurs. Pour pas me mettre la mise au résultat. 5 par contre, c'est la tribu Moko. Ça ne nous dérange personne du moment que Léopard les a gagnés. Bon, évidemment, ça, c'est un débat passionnant. Oh, ici, il a raté. Parce que Bamboula, non, Bamboula, on l'a vu depuis 1965, avant même 1965, Zalaki. Si Lélo débat, on est Zalara la veille, il y a publication au gouvernement. Donc, c'est un débat aussi. La tête au Kanika, parenthèse. Donc, au banaliste. Merci, Mingindeko. Donc, gouvernement, on est Bimi, président. Général Joseph Désiré Mobutu, Premier ministre Léonard Moulamba, Affaires étrangères Justin Bomboko, classe moyenne, Nazotanga selon ordre de la préséance, hein? Classe moyenne Bernardin Mungoludiak. Mungoludiak a zalaka dirkab ya na 1960 ya Patrice Lumumba, na ministère de la Défense. Défense nationale Joseph Désiré Mobutu Yemokwazui, Éducation nationale Abbé Athanase Ndjate, Finance Jean-Joseph Lito. Fonction publique, Michel Collin, Zahi Mulat, Trimongo Yamukongo. Intérieur et affaires coutumières, Etienne Tshisekedi. Wana gouvernement Bimi, au moins une préséance, Tshisekedi, Aza Moussika, Aza Soki, 7e ou 8e. Donc ce n'est pas les ministres les plus importants, alors qu'il y a un portefeuille à Mounene, il y a intérieur. Mais petit à petit, avec le temps, Bako se découvrir ce qu'il y a dans Mobutu. Bako yako sympathiser, Tshisekedi na Mobutu, Bako koma bakamarade Minene. À tel point que, dans le mois d'octobre, non, novembre 1996, Mobutu a béli, a opéré cancer à prostate, Mobutu a fait convalescence à Nice, Tshisekedi a fait koutalaye, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Voici Makambo Mobutu a yebisaki Tshisekedi, pour nous rappeler l'amitié na Bangoi. Masolo na zio ango wapi, tangu Etienne Tshisekedi auti poto, auti nisko tala Mobutu, ako debriefe na batu na ye, ba proche na ye, et parmi ba proche wana, honorable Kapika. Joseph Kapika. Joseph Kapika. Ancien ministre de l'économie. Exactement. Joseph Kapika Mutu a bete lingali solo. Mobutu va dire ceci à Etienne Tshisekedi na 96. Alopi, Etienne, ngana yo, tousala ba kamarade minene. On a été des grands amis. Deuxièmement, Nganayo, totika la kozwa problème personnel. C'est politique nde kabola biso. Mais problème, il y a un entre ba individu boye. Nganayo, totika la kozwa problème. C'est politique nde kabola biso. Yamisatu. Alobi, Nganayo, nde nazalia, on a sa condamné. Na cancer, on a sa nango ya prostate. Je ne m'en sortirai pas. Ba aminga nga ba unyo so. Ba si ba yib singake. Je ne m'en sortirai pas. Malade yo eko me mangaye. Mais. Voici l'idée que nous avons dans Etienne. J'ai toujours pensé que Ngaï Mobutu, ce qui n'a koufi avant, Etienne Yondoko s'occupe de la Ngaï. Mais, naïbiso vérité, j'ai été très, très, très déçu. Osaki déçu, Nanel. Obi, voilà. Ngaï n'a koufi si moi, Konga koufi. Oye matanga na Guadolite. ça m'a fait plaisir na mon na délégation oyé na matanga mais tangu cérémonie les côtés officiels ici les Tshisekedi Etienne tu as pris ton avion ozongi na Kinshasa alors que ngana kanisa ki okofani sangai comme camarade tu vas passer la nuit avec moi parce que na kufeli mwana ke to kusulana mais ozu avion na yo la kiata ko la kangate okay yeba ke lokwana e blessa ki ngai bon ce n'est pas grave et ça m'a kambo leka ngana zozonga Kinshasa tangu na kuzonga na Kinshasa comme je suis condamné tokotala ndenge na tike la yo makambo wangu voilà comment Tshisekedi est venu ici il a fait le rapport à ses proches nakangi parenthèse wana ya kimista na bango tozongi na 1900 là on parle de 96 ça 96. Veut dire que tu sais que dia c'est à comment opposant bambundi bambula na bambula na na mobutu donc ils ont un contexte moko penza ya bolingoto ya nani teza contexte moko ya adversité politique ya makasi parce que depuis début ya années 80 si 96 wana bitumba politique ezay makasi entre tu sais que dia exactement mais excusez de ko Thomas Luoka entre-temps ndeko Tshisekedi a participé à qui paye na oyo babenga ki bon création ya parti ya Kasavu ya Désiré Mobutu mais donc c'est ce qui veut dire que jusque là 65 67 ils étaient en bon terme ils sont en bon terme wana tozana 65 nabi aza en bon terme d'autant la ne relation qui ko évolué mais c'est quoi il va se poser un problème Tshisekedi est loco jusque là tout moni parcours na ye c'est presque un parcours modèle. Donc, a participé à la Première République, Deuxième République, oui. Il n'est pas allé. Donc, il a géré avec Kassavubu. Et avec... Non, il n'avait pas de responsabilité. Directeur Enda. Directeur Enda, Wolbateke, a participé à la gestion. Donc, tant que tout le monde qui parcourt est presque exemplaire. Mais il y a une tache noire dans le CV de Etienne Tshisekedi, il y a le Kambouba Bengi. Les martyrs de la Pentecôte. Martyrs de la Pentecôte, c'est ça les Camerounais. Tu te rappelles, tu te bêtais à Kamouli Solo. Ah ouais. Le 29 mai 1966, quatre politiciens basali invités dans le gouverneur militaire de la ville de Kinshasa. Babengi, à l'époque, il était colonel Bangala. Colonel Bangala, il y a cinq officiers, il y a six, et puis il y a quatre politiciens dans le Solo. Il y a Solo Nini. Ba militaire ba yebisi ba politicien wana ke biso tondimi na makambo ya coup d'état mobutu asalite. Biso ba militaire tozolinga to longola ye tozongisa pouvoir et pas na civil. Ba civil. Donc voilà objectif ya réunion. Makambo e bandaka là. Et puis ba yebisi bango ke comme to komi mukola suka makambo il faut pas être né bo sala moi projet moko ya gouvernement. Donc la réunion a commencé je crois ka na ba 19h ti na 1h du matin. Tant que vous avez dit que vous avez adressé la liste, vous avez dit que gouvernement, vous avez dit que vous campagne, vous avez dit tout autour. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit les quatre politiciens en Gobanani, Évariste Kimba, Azalaki, dernier premier ministre de Kassavubu, Emmanuel Bamba, Azalaki, sénateur, na dignitaire de l'église kimbanguiste, tout le monde a qui en petit à confiance à Simon Kimbangu. Na prison à Lubumbashi. Alexandre Mahamba, ministre des Affaires foncières à Kassavubu, Jérôme Anani, ministre de la Défense à Kassavubu. Voilà batu mine au bakangi bango. Balobi bino batandre bango piège. Oui, basaki piège, basaki piège. Wana le 29. Le 30 mai 1966, Mobutu a co-signé ordonnance loi portant création d'un tribunal militaire d'exception. Pour juger les quatre politiciens pour complot contre les institutions de l'État. Mobutu a créé un tribunal d'exception. Banani atie bango comme ba juge nakati tribunal wana. Colonel Pierre Ingila, président. Colonel Ferdinand Malila, juge. Colonel Honoré Nkulufa, juge. Oko remarqué, ba oba landa kama mission na biso, ke batunyo so Mobutu atie eza ba pirié. Nkulufa yazanani. Kulufa azali camarade ya classe ya Mobutu na Kananga. Bando kabula chambre moko. Donc, masuwa naye. Malila zanani. Ferdinand Malila azali kitang Mobutu aza commandant en chef. Azali neti dirikab naye. Na état major. Malila. Et puis Pierre Ngila. Pire naye pelisos. Donc, azwika kabatu naye. Aze bango na kata juri wana. Bango ndi bako imba juge. Le 31 mai 1966. procès public et bandi na kan kokolo basengi population ya kolanda procès batu baye belé une foule nombreuse ba accusé bazana droit ba avocaté baeka bango moko yami balé ba accusé basengi quand même confrontation et salama na batoyo bazaki na bango na réunion ba soda wana ata donc les accusateurs sont absents ata soda moko te bakangaye donc baeka na quatre politiciens. Alors, mais beaucoup, beaucoup, ça, mais il faut quand même confronter avec Salam. Procès na ebisio, et sali deux heures pamba, le tribunal se retire, ingila, malila, na nkulufa va se retirer, ba salaika quelques minutes, ba zongi, condamné à mort. Abi, il faut, ba boma bango, par pendaison. Yango, on a communiqué l'équipe, et sengi na population, on a tout ça, les 31, et sengi population, baya ebele na isika olelo batonga stade de martyrs pour na baya ko assister na pendaison yangwana le 1er juin 1966 les quatre politiciens bazali pendus devant 40 000 personnes 40 000 kino baya ki wana et traumatisé ko toute population bato ba pandana ki somo wana ba mona ba kongole ba kino non batika la komona mutazo ku fabwa en direct te donc bato ba pandana ki les gens se sont marchés dessus il y a eu d'autres victimes collatérales bon. Pona Etienne Tshisekedi, contrairement à ce que Batouba Lobaka, en 1966, Etienne Tshisekedi n'est pas le ministre de la Justice. Il est le ministre de l'Intérieur. Hein? Donc on est clair. Il n'a pas Azana gestion directe et dossier Wanate. Il y a Zali ministre de l'Intérieur, Azana Justice. Affaire coutumière. Mais qu'est-ce qu'affaire coutumière? Mais qu'est-ce qu'on reproche à Etienne Tshisekedi? Non pas qu'il était impliqué. On reproche à Etienne Tshisekedi, point de presse, émission Mokasala qui est après. La vidéo existe dans les réseaux sociaux où Tshisekedi essaye de justifier ses assassinats politiques parce que c'est là qu'il y a assassinat politique. Tshisekedi na niveau na yé juriste a quoi condimenter que procès au bateau pour sambisi bateau parce qu'on a avocaté pour sambisi bateau parti adverse et zate et zone en athée pour sambisi bateau et le comment pour bâcler en composition à bas terminal bas pire ya Mobutu. Donc les gens lui reprochent cette complaisance là. Voilà au bas le tache noire, mais il n'est pas impliqué directement comme ministre de la Justice. D'accord. Merci Mingi Thomas Louaka. Je rappelle que Tozolo Bela Bomoya, Kondo Etienne Tshisekedi, Etienne Yami Balé, Yango Tozolo Bela. Lelo yo, na Top Congo, na émission Parlons Histoire. Vivez la meilleure expérience Internet avec la 4G plus d'Orange. Numéro 1 en couverture et qualité réseau. Alors, Toko évolué parce que les martyrs, il y a Pentecôte. Il n'y a pas de quoi. Tolobela Yango, déjà, il y a un épisode PORL qui avec tout le, beaucoup de détails. Il y a un bateau qui est en train de faire président Mobutu pression pour être à Bamote. Même le pape est intervenu sans succès. Bref, Tolobela Yango, le barapé d'ailleurs, c'était une façon pour le président Mobutu de couper sa ton. Exactement. Pour bangi ça, pour bailler politique sur Oye Gozala. Ok. Mais si quoi yo na pesi détail yo pona ko lakisa rapprochement ya Tshisekedi na Mobutu et puis éloignement ndenge ne ko ya ko salam o ko comprendre opposition ya Tshisekedi te soko comprendre na rapprochement yango wana tangu babomi batona le 1er juin le 30 juin 1966 Etienne Tshisekedi azali il est fait commandeur de l'ordre national du léopard batu balobi est-ce qu'il a commis commandeur pona soutien après ça qui na émission on a bien dégainé hey polémique c'est la cause donc voilà donc angi parenthèse one mais si koyo le 16 août 1968 au 5 mars 1969 Etienne Tshisekedi a commis ministre ya justice na 68-69 il a commis Mobutu a été ministre de justice. Du 5 mars au 31 juillet 1969, Etienne Tshisekedi a commis ministre d'État chargé du plan de la recherche scientifique, aménagement du territoire, de la construction, de la coordination et de la planification. Oyo makambo etali impair, ndeko tout à l'heure autour naki création impair. Impair ezali mouvement populaire de la révolution, ezali présenté officiellement le 20 mai 1967. Va présenter un manifeste de lancer les années charte na bangoto projet de société na bango. Les principaux fondateurs, il y a un père, histoire et Yebisa Kabiso, Joseph Désiré Mobutu. Justin Marie Bomboko, Joseph Tsinga Uju, Étienne Tshisekedi. Voilà. Et comme c'était la colobaté le plus intello et à groupe, hein, mais on considère que manifeste en scellé, c'est Étienne Tshisekedi Mutu à Komango. Sur côté il y a beaucoup de bonnes idées dans la manifeste. Fonction Étienne Tshisekedi n'a qu'à parti, n'a qu'à un père. Du 5 mai 1967 au 20 février 72, Tshisekedi Azali membre du bureau politique à Impair. Du 16 mars 1968 au 5 juillet 68, Tshisekedi a commis premier secrétaire national du Impair. Nakatia bureau politique, Tshisekedi Azali président de la commission des politiques générales du parti. Du 13 mars à fin mars 69, il accompagne le président Mobutu. Mobutu a qu'en a tourné na poto. Azana Tshisekedi, Bakena Grèce, Allemagne fédérale et puis na France. Au mois de juin, Babroui et Koyako Tamboula, juin 69, Tshisekedi est mis en résidence surveillée. Hein? Ba relation bandi ko beba. Ebebi ponanini. Ebe ba relation bandi ko beba parce que le 4 juin 1969, ba étudiant, ba sali manifestation awana Kinshasa par groupe, groupe Mokeke na gare centrale. Groupe Moussou Cézanne a rond-point victoire. C'est là que moi, je pense que le projet a étudié, ça a suscité la population à Tiabango pour avoir un Mobutu. Mobutu a envoyé la gendarmerie et surtout la victoire. La répression a été violente. Les militaires ont tiré. Bon, il y a un gaz lacrymogène et ça l'a fait, il a tiré les colons. Et puis ils ont tiré, il a bombé les étudiants. Donc on a ramassé les corps et tout. Tshisekedi a été choqué par cette scène-là. Dengue ba étudiant Bazali. Il paraît na entourage. Tshisekedi a commis koyi. Il a commencé à émettre des critiques. Yangwana brouillé kotambola ke Tshisekedi aza en résidence surveillée. Et de toutes les façons, point de départ, il y a sorti il y a et Tshisekedi na gouvernement Yangwana. Le 8 août, là nous sommes en 69. Azana ni na gouvernement. Hein? Azana ministre en charge il y a plan. Hein? Na le 8 août 1969, Tshisekedi, justement pour nous éloigner, Mobutu a été nommé ambassadeur. Mais à tout ce qui est le choix, il y a le choix de Tshisekedi. Et c'est là qu'il y a l'Inde, le proche de l'Inde, c'est non, l'Inde, il y a l'Inde, donc il y a galéré. Il a changé d'idée. Il y a un Maroc. Tshisekedi est envoyé ambassadeur dans le Maroc. Mais de toutes les façons, Mobutu a une dynamique qu'on a éloigné l'ancien proche de l'Inde. Il y a tout le monde a dit Tshisekedi le 8 août, Batindi ambassadeur na Maroc. Le 23 août, Mobutu a été nommé Bomboko ambassadeur na Washington, na États-Unis. Nendaka ambassadeur na Bonn, na RFA na Allemagne fédérale. Donc, Mobutu se débarrasse de ses camarades, va commis un peu encombrant. Voilà comment Tshisekedi a accueilli. Tshisekedi a été à l'ambassadeur na Maroc de septembre 1969 à février 1971. Ce qui explique que moi, Nanaya Souka, à Botama, na Maroc. Une petite parenthèse là-dessus, c'est le vieux Kengou qui m'a raconté cette histoire. Alors, bien, en 1970, na qui écoutait la présidente Mobutu, na kouti na ba lettre, moi, kazo tanga, à boke, on a tiré le colère, mais ça. Ah bien, Étienne a exagéré. Ah bien, non, chaque semaine, tu sais que d'Aoti, il a eu une lettre manuscrite à l'Embi Maroc. À l'Embi, na zongi, ça y est. Na zongi, c'est Namboka, donc, à Okokate. Pourquoi Tshisekedi a l'Embi Maroc? Tshisekedi a l'Embi Maroc pour deux raisons. À l'époque, hein, ce n'est pas pour égratigner l'image à une autorité politique, hein, mais il faut qu'on paye ça. Imaginez, il y a solo pour Batouba Mouna, comment il a grandi. À l'époque, Tshisekedi est un peu à l'ingvi. Hein, à l'ingvi. Si on a Maroc, on a moyen de vivre, et ça a été un musulman. Donc, Kinshasa, ils ont manqué. Deuxième raison, Tshisekedi va se rendre compte na hypocrisie y a ba autorité musulmane. Nengenin. Ba autorité ba musulmane ba yo kanaka ke mukola fête y a indépendance y a ba pays ezana ba ambassade kuna. Neti indépendance ya Congo le 30 juin. Ba ko ya ko mon ambassadeur ba bimisi l'ambassadeur tango o commander masanga. Y a fête ya y a ambassade. Ba ke cela bisata 20 30 cartons en whisky. Donc ba masanga na bango baza supposé baza ba musulman mais la raté. Si quoi yo basomba ka ba masanga na sima ba ambassade. Donc tu sais que la bimé c'est c'est quoi, ouais, soit vous avez musulman, soit vous avez musulman. Il est un peu dérangé par cette hypocrisie. Il y a un grand Tshisekedi, à quoi vous senga, à Zonga. Et puis, en 1970, le 14 mai 1970, Tshisekedi a Zongi na Kinshasa a wapona kwa ko participer na congrès ya impère. Et il est élu député, hein, mandé s'il y a ba député si na 70. Pourquoi d'ailleurs na fongola sous parenthèse monsieur. Pour année ne Mobutu a éloigné na 69 ba proche na ye. Bomboko nenda ka Tshisekedi. Parce que Mobutu tango za ki pouvoir lo ba kinini. Armée du pouvoir pendant 5 ans. Na 1970 to zong sa pouvoir et pas ba civil. C'était ça l'accord. Mais dans 69, Mobutu a commis un projet. Il y a qu'on continue. Alors que bah, civil au bazar, c'est la place où on a, Bomboko était dans la course, Nindake était dans la course, Tshisekedi était dans la course, parce que Soda Linga, hein, Azong, c'est l'abisso. Voilà comment Mobutu a éloigné Bango. En 1970, Mobutu est mort à se présenter. Mais bah, l'élection PO en 1970, Tshisekedi est élu député dans la circonscription Yakabinda. Réélu, en fait. Il est réélu. A commis deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, puis premier vice-président le 3 avril 1972, de l'Assemblée nationale. Il a nommé membre du conseil d'administration de l'UNASA, Université nationale du Zaïre, tout le monde qui a été à l'université, il a été commis à Moko. Je suis secrétaire d'État, membre du conseil d'administration. Na fin de la première législature, il y a la deuxième république. Législature, on est aussi là, puis 70-75. Tshisekedi a quelque chose présenté sur la élection en 1975. Le 12 octobre 1975, Tshisekedi Azali élu député de la circonscription à Kabinda en 75. Et puis, a yé le troisième, troisième mandat. Troisième mandat. A yé si kouyo. Voilà si kouyo, dans la belle, il y a un père. On a un père, oui. Un père, 75 un père. Voilà. Mais avant, il y a qui n'a pas de chombe et puis n'a parti à Panako. Voilà. Exactement. Donc, Tshisekedi Tangu na 75 à Zongi, Azali reconduit deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Et puis, le 20 décembre 1976, Tshisekedi est élu premier vice-président du bureau permanent du Conseil législatif. Bon, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Sikoyo mandat, il y a deuxième législature, il y a deuxième république. Donc, c'est 75, il y a 80, et tout le monde a 70. 75, Siko et Oebandi 75 et aussi là en 80. Mais maintenant, on est au Katana en 1977. Et Katana en 1977, pour Nanine, tout le monde a qui en OP. Et au Katana en 1977, parce que le 8 mars 1977, les rebelles congolais, les ex-gendarmes Katangé, ou Bazala qui n'Angola, 1500, à partir d'Angola, ils ont attaqué Zaïre. Attaquer Zaïre, Bazu, Mouchacha, Di Lolo, Kapanga, hein, oui, Bitumba, Chaba, Liboso et Bandi. Le 8 mars 1977. Mobutu a meki kobunda na phase, hein, force armée zaïroise, pendant un mois, Toko Kelokote. Yangoana, le 2 avril 1977, président Mobutu a kouyako senga, appel au secours, a lancé appel au secours, na balié naïe. Argument Mobutu a pesi à lobby, non, bati poana bazana ba Cuba. Bah rebelle ou anabasala bah Cuba, CIA, service de renseignement américain, bah le bino, tout le monde est à Cuba, mon côté, hein, na terrain. Donc, il y a kaka yozo bounana batunayo, mais, bah américain, bah linko kota, directement, te, yango wana. France, États-Unis, kotinda logistique, bah teni militaire, bah kisi, mais, France moutou, et kouya ko bimisa bah avion, konanini, bah avion kouya ko mema, 1500 militaires marocains. Le 10 avril, 1500 militaires marocains ba komi awana Zaïre, na Katanga kuna, ce sont les militaires marocains ba ko beta ba gendarme Katanga, ba kimisi bango, ba zongi si bango na Angola. Donc ba zongi si bango na Angola, facture ya opération na kozwa 1500 militaires ya marocains ba ya ko intervenir na Congo, la facture s'élève à 70 millions de dollars. 70 millions de dollars, allié mususu mutako ko futango, c'est l'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite a refusé la facture en aide à l'opération. Au moins, il y a un peu de temps cher. Pour nous, on a 1500 militaires, ça vous a pris dans les 70 millions de dollars. Si vous avez justement, Bali, vous avez dit que écoute, au moins, politique, tout ça, ce qui a étouffé, c'est que bazali sous une possibilité à colobaté. Il y a expression exacte. Zélotique le bango kaka moko ya kosa minduki. Donc, ce qu'on l'ingé loko yé, c'est répété. Libéraliser le régime. Hein? Il faut assouplir ou étouffer bango mingi. Et puis, bisoko yaka ko intervenir, ce n'est pas tous les jours que tu as dit. Yango wana, Mobutu, a ko yako entamé la réforme en 1977. Première réforme a bomi parlement wana ya 75. Na 77, a dissoudre parlement. Et puis, à côté de la organisé dans l'élection. Méthode échangée, Liboso Zalaki, population Zalaki na choate, candidat à un père Balaxi Binobo, et Bobeti Maboko, a commis député Nabino. Mais na 77, Bazaka Kaba candidat à un père, mais il y a plusieurs candidats. Population a commis na choua, na liste wana, Bokepe Kobombana, bulletin secret, ou yepe Oponi Moutonayo. D'ailleurs, élection à solo, solo et bandeli. Exactement, il y a 70 ans. Le régime à Mobutu, Zaka, Oana, Openda, que Bangon, Bangon, dignitaire, il y a un père, mais Bandongwani, na terre. Voilà, Bandongwani. Si Koyo, je vais vous appeler sur ma parenthèse. Tant que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Hercule C-Satan, Balibumundunda. Et vous avez matériel à Bitumba, et vous avez dit que vous avez dit. Avion étant que c'est un matériel, garçon, mon coboy, comme on est Micha Moulongo. Micha Moulongo, c'est un homme d'affaires. Micha Moulongo a qu'à négocier deux places d'avion. Ah, bien, le roule à Bozonga Bouye, est-ce que vous pouvez comme ma bisote? Papé, c'est deux places. Et l'on a le bombaché. Et à Kinshasa. Papé, c'est deux places. Micha a même petit n'aimé mon coboy, il y a étudiant. Étudiant, on a, ben, Micha, étudiant, on a Yenani, étudiant, on a chanteur. Micha, ça, président orchestre, mon coboy, papé, on les casse à part. Il y a Lubumbashi, il y a l'université. Eh bien, tu dis, il y a une ilou. Une ilou. Qu'on a l'ilou. Si Koyo, étudiant, on a Zaki chanteur, il y a Michaza, président orchestre. Bah, m'a dit, l'avion, on a baillé. Mais si Koyo, garçon, on a Zaki, la deuxième session. Michel, lui, non, tu profites quand on a vacances, hein. Toke rapidement, na kin, tu enregistres, et puis tu songes, et puis tu as la deuxième session. Na yo. Garçon, on a dit, parents, on a dit, on a la musique. De ce que tu as dit, on a Kinshasa. Et au créer l'engagement problème. Donc, on a quoi qu'une famille. Mais j'ai un problème, mais on a trouvé la solution. Bah, où tient l'aéroport? Na boutou en avion, libumundunda ne kisi bango. Bah, j'ai voiture, bah, yeti, na moloka et pas papa Wemba. Papa Wemba, camarade, ami, chamolongo. Aïe, si papa Wemba, petit yo, aza petit nanga confiance, aza musicien nanga, nae nae, a enregistré nzembuna, et puis aso son anel bumbashi. Est-ce que vous pouvez loger parce que petit moi, j'ai une famille. Je suis un peu plus jeune que vous faites ça. Petit moi, je suis un peu plus jeune que la classe. Te, deuxième session, je suis un peu plus jeune. Comme ya petit moi, je une grande star de la musique. Na biso, comme na Jean Moubiala, je suis un peu plus jeune que Kester et Menea. Je suis une parenthèse. Wana. Vivez la meilleure expérience Internet avec la 4G Plus d'Orange. Numéro 1 en couverture et qualité réseau. Voilà. Tous les gens qui ont la politique, Mobutu a dissoudre le Parlement, a dit si Koyo, l'élection, presque à solo, parce que c'est un parti commun, la population commune a moins cher, si Koyo, a organisé l'élection. Tshisekedi est élu en 77. Tshisekedi a zongi. Mais si Koyo, Tshisekedi a zongi en 77, wana, ba sali bureau, il y a l'Assemblée nationale, Tshisekedi a retrouvé le sous bureau. A commis député Moulongo, a commis une écofana na kati ya salle. Allez mon bureau. Mais ba député à 77 comme si ko ba yebi ke bazali désigné na population. Population mute poni bango ba un esprit mususu. Hein, tu crois il se sent vraiment mandaté. Légitime quoi, ba représentant pena ya solo ya population. Ndengo sa ko loba ba dignité ya impère ba komi kondongwana. Ba membre bureau politique na lo ba isa ki neti mwa sénat. Bango pe komi il faut bo ke ne pe na élection. Na Équateur, il faut abimisa deux sénateurs. Banani siko bake ko ndongwana kuna Lito Moboti na Bomboko. Bake osa la campagne. Siko Lito Moboti pour na campagne na animer campagne na Équateur, abengi stukas ya Lita Bembo. Bomboko pe baye bise non tala siko yo moni orchestre moko ya ba jeune osa la succès mikolo yo komo nango viva la musique. Yango na Bomboko pe akomema viva la musique. Ake nango na tourné ya campagne na en Équateur. Papa Wemba un problème. Batike la ke petit moko banda ko faze pa na emene ya. Mais azami si na ite a hébergé ka petit wana. Si ko papa Wemba bi na zo ke ni tourné na Équateur. qu'est-ce que je fais de MNR? Natika yé mokuna palé, na ke nae, aiko décidé, amemae. Hein, petit accompagné, biso, ou le tika la kaka. Basali tourne, tant bas au sala tourne, ce qui ba musicien ba yembi a viva ba yembi, ou en basali succès, nanti moko boye, beaucoup la ka, sala ki succès danger pa ba mongo. Donc, pesa beaucoup la ka mbote, donc a sala succès. Et puis, ce qui ba musicien ba yembi ba lembi, batikele emele ya, aya ko yemba mwanze mouna emile na wana yemba. Bon, voilà, tourner l'équipe bien, Bomboko a gagné, Lito Mobote a l'équipe, membre du bureau politique, Balobi, Bomboko a sepé la qui tellement, apesi, papa emba, moi, enveloppe, il y a bien. Et puis, quand on a dit, imaginaka, ba nungu e bandé pa misi, c'est babi, non, Bomboko a sepé, apesi, biso mbongo, biso soto somba ma, balupango. Mais, wemba meli biso, oh, wemba meli biso, ah, groupe mkeba, y a pas misi, c'est bako décidé, babi comme wemba meli biso, tolongo na biso. Balongwe bake osala orchestre na bango. Siko tango basali osala tourner en Équateur. Bake na moi village moko boye pembe na Gemena. Komo na ngokarawa. Kombo ne marka ki bango, baye basali orchestre na bango ba benga ngokarawa musique. Donc ba tiki papa wemba. Tango balongwe, papa wemba sana chwate emene ya akoti emene na kati orchestre emene ya okoma ayeko simba position. Voilà comment Bombo kwa komi membre bureau politique, lito membre bureau politique emene ya akomi chanteur avec population public et découvrir à quoi que soit succès na kati ya ya vive la musique na kanisi pona lelo to ko pemana to ko reprendre si kona bisa bino to ko beta lelo épisode ya Etienne Tshisekedi dile mobutiste par rapport ya Etienne Tshisekedi na Mobutu et suki si kona 77 parce que na 78 79 le Tshisekedi ya sika ko c'est quoi o ba bengi si ko Tshisekedi lo. Voilà, donc ebandeli ya komba na ye, voilà. Na opposition ebandi tango ba élection a salami na 77 et puis a bimi na bureau politique. Voilà. Kazai sou deuxième vice-président ya Assemblée nationale te, a komi député lokwa ba député nyonso et na contexte wana ya ndengo lobi ba député bazou se sentir siko au moins légitime pour ba ponami penza penza na population au terme d'une bataille électorale rude. Et voilà, Yangoana, on va contestation et bandit. On le verra la semaine prochaine. Si vous avez une carrière, il y a politicien, il y a opposant. Merci, Ming Ndekotoma Luaka. Marcel, on a invité sur Totika dans deux minutes. Tous quelques interventions. Exactement. Il y a Bandeko, pour les bandes, les amis, tout le monde, les amis, balé, les amis, il y a Kondo Etienne Tshisekedi Wamulumba. 085-000-4440. 089-44-44-471 pour nous intervenir en direct. Vous pouvez faire un abisson à Skype, Top Congo FM, d'identifiant l'abisson. Allô? Allô, oui, Papa Thierry, bonjour. Bonjour. Bonjour, Papa Thomas, bonjour, Ndeko Marcel. Bonjour, la CP livre vraiment l'émission à l'élo. Papa Thomas, merci. Pour le concept, tu as la sphère politique n'a pas de l'eau. Par exemple, on sait qu'il y a ce qui n'a pas de l'eau. Géopolitique. Il y a géopolitique. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a un mot tout le temps, mais on a continué dans la proposition qui est Nasuka, vraiment Nasuka, il y a épisode de la papa Etienne Tshisekedi, que là, dans la personnalité, on continue à repérer ça. Ce qui nous lègue, la génération a dit, il y a des valeurs. Voilà, merci. Merci beaucoup. On a bien compris. Tous les auditeurs, Moussousou. Allô? Allô, bonjour, Papa Thierry, Pena, M. Thomas Louaka. Bonjour, Ndeko. Bonjour. Par exemple, pour Timba Koumoukou, mon régie. Bon, tout le monde est très simple. Je suis très simple. Je suis très simple. Je suis très simple. Je suis très simple. Je suis très simple. Je suis très simple. Je suis très simple. Par rapport à l'explication, il y a des député ni balmi balé na chaque province soit comme ça va ministre bon ba soda wana o ba salaka coup d'état na yé ma poste ni ni ataka bango katika la kiba militaire to ba koma ki ba civil ba ba ba zwa ki ba poste politique to ndenge ni yaoka mutuna kwa mara zaki na ngo. Merci beaucoup monsieur yo ki explication premier ministre déjà zaki soda. Oui. Et puis na kati ya gouvernement pe ba soda ba zaki. Non, pas tellement. Tu sais, mon bout de sac, il n'a pas civil. Seul représentant armé, hein? Premier ministre Moulamba. D'accord. Nous sommes en Singapour, nous avons appelé Nabino, on a 085 000 44 40, topé na 089 44 44 471, Skype Top Congo FM, message SMS, 089 44 44 470. Allô? Bonjour, Père Marcel. Bonjour, maman. Papa Thomas Louaka, bonjour. Bonjour, maman. Vivien Loukelo. Oui. Nalina Yeba, pour la géopolitique, tant que Mobutu a à l'obaki, Bayana Batumi Balemi Bale, ba nommé baron à gouvernement. Nalina Yeba, Erwan Tosola, il a formé des provinces. Et puis, Nalina Yeba, papa Etienne Tshisekedi, Azam Moutami Beko, pour la monnaie tant que Babome Bessidien, Abandé Koyima Yima. Mais en réaction à y est, tant Baboma qui quatre politiciens, et voilà qui n'y. Merci beaucoup, bonne journée. Mm-hmm, merci, Nayo, maman, bonne journée. Pé. Tosu, mon lundi, mon sou, son zan, singa. Allô? Allô, bonjour, papa Marcel, papa Thierry, na papa Thomas. Bonjour. Et là, moi, Alimi, Kabamba, le nombre. Oui. Alimi, na y est, manifeste de lancer, le Nayo, quand on m'a mis. L'Andi, et la Yissini, manifeste de lancer. Projet de société à un père. Ah, ami Balina, on a pas participé de son vivant. Alors, c'est la plat préféré, les Alagirini. Merci, bonne journée. 085-000-4440, Skype Top Congo FM. Allô? Allô? Allô? De quoi qui? Tous une des Koumsoussou, on a dit la signe. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Et ça pour fatiguer mal, hein? Oui. Ouais, la ligne, bah, et ça, pour moi, je t'en ai dit, monsieur Ménard, parce que c'est pour papa Thomas. Papa Thomas, on a dit que c'est même si la chute n'est pas rébelle. Il y a ma rébellion, donc, des pays. Parce que nous, on a l'air parcours dans le bar. C'est un awa, au col, awa, calfumo, là, tout le bar. Et ça, ma dîne, n'est-ce au côté de la MLC. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu reçois à jour, tu remets à l'issolo. Parce que nous avons repéré la libre antenne à vendredi à l'obi. À sa recommandation, nous avons repéré en direct à l'obi. Nous avons repéré à ma sola, à ton soussou. Je me pose à temps, bêta non, histoire. Voilà. De répéter si ça sera possible. Oui, c'est possible. Voilà. Dans une des commissions de la Singalo. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, oui, normalement, tout le monde a des retombées loin à ce que je salue. Bonjour. Oui, pour le bâti, les bandes de l'émission qui échange ce qu'il y a qui n'a pas ça à la loi la juriste ou à la loi pour l'endabassin des bazar sans bita n'a pas moins. Mais et au coup, c'est passé une dénigne à la coma politique. J'ai changé ma canine à quel moment pour coma politique et un pouvoir dans le rosala à soi faire pouvoir. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Ndeko. Ndeko, tu notes tes préoccupations, tu as une des commissions, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Yalo, depuis Mongakoul, Nalinga, la nation, Ndeko, Thomas Louaka, na bandé la veille, c'est non, papa et tienne, à Vaki, la banane, à Mouta, qui est en dehors, il y a ma maman, Yango, la naïe, Banango, Pazawati, et puis Bakumbo, la Bango, Banani, Poto Yokaraki. Abandaka na mwati mogo ya mungala, abota bana mibale, moka kupa na mwola, mkusu, azakasomu militiya na itazini, yangona ina zotumba prekisyon pa mwete kumazo wa. Ndeko wanda nazana ba detay te, nazana ba detay te, na kubanda kutanga ba komba wa te, kwa kwa mbuye ba tupamba. Wema kote wana nazana ba, na hebi nyonso te, mama, ndeko mogo pa tuninga hii, pla preferi ya chen chisekedi, na linga ka histoire, metina kwa hiba pla preferi ya chen chisekedi na hebi te. 085-000-4440, 089-44-44-471. Allô? Ah, bonjour. Oui, bonjour. Malina tu na no bona king ke seme ne a uchi Tanzania. Me nje a uchi Lubumbashi ndei na kufi bage kunde tsolo na nani. Awa na na. Na kiki. Esale ndi ngi ya mi baile. Tangu ngente sigida ko mina poto ndei ni papa na ya utala mutsara mugu wa mukikaka. Me ya ko mina poto ke tangi university kuno ndeni. Nani nani atanga kila poto? Ejeji sekeji na premier factory wange la fa passé aujourd'hui agetanga na pokeli sa université na photo mais papa naye abanda ko tele pa ba sango musalamu kwa mukie mukie pe papa ye sekeji akiste na photo na mécanisme ni bon olanda ki mission non non ndeko za raison tatana yaza raki moniteur mais Etienne sekeji tanga koti na atangi na photo tatangi na lovanium awa na Kinshasa azaraki boursier tango na ba etudaba na ko pesa bango bourse d'accord soti papa za na makokite. D'accord. Tosine de Komsous, on a la singa. Allô? Allô, bonjour, monsieur Ditambala. Oui, bonjour. Et Zanga Pablo Panzu, bonjour. On a bien dit que nous avons un bon bébé. Bon, voilà. Petit papa, Tumaluaka, bonjour. Bonjour, Ndeko. Voilà, nous avons tout le monde, papa Tumaluaka. Papa Saint-Sekedi, Azaki, pays à enfant chéri, Yamoubou, c'est l'homme de Mosobé, ta histoire. C'est le même à la raison. Bon. Et le connu à côté n'a pas fait un Tshisekedi à ça la partie politique n'a eu assassinat qui n'a pas responsabilité. Mogona Mboka ya Makas, il démine et finit qui est à ça la partie politique n'a eu. De quoi Pablo est allé parti politique création en haut et t'y allé parti au Tokolanda. Donc la troisième partie, semaine prochaine. Oui. Semaine prochaine de Tokolanda. Bon, Mobutu pouvoir n'a eu et Zala qui sécurisé. Et pas à ma camarade Mengi Batangana, à cela qui bongo pour abattre le pouvoir naïe ou bien à récompenser ma camarade naïe pour Batanga qui n'est classé non commerce. Merci beaucoup, mon amboka Pablo Panzo. Aujourd'hui, une des commissions sur Skype Top Congo FM. Allô? Allô, Nanzana Singalo? Allô? Oui? Ah bon, salut Nanou Thomas Luaka. Bonjour, grand sage. Bonjour. Moi, Maëlle. Merci. En tout cas, félicitations, Makas. Merci. Bon, le roman, c'est Féli, côté Moura Lobby, tant que l'ancien président a vu ce Mobutu, à Bomaki, Bato, ce qui va venir, qui va saler pour l'État. Oui. Nandengi, tu es qui m'y suis, ou Bétidiane, la victoire. Oui. Tu es qui malamo. Papa qui fait que dire, à ce pays-là, qui fait que là, qui fait ça. Tout à fait. Mais Mobutu, à chaque qui fait ça, moi à l'aise. Mais ce qu'on total, il est là, faut en oublier l'amour. Donc, j'ai un câble, j'ai un câble, j'ai un câble, j'ai un câble, je vais condamner la même formation, mais à où t'as qui côté à qui fait que dire à moi. Mais tant que j'ai remarqué, moi, mon solo, on a vu sur un beau cas, et donc, il y a un libanda, libanda, total, il y a un libanda, il y a un Nandenge moi mulili. Mais Mobutu na kiseke di pe kiseke da se pe si na makambu asali me azala ki ale. Se ko na tango yo to comprendre que ndenge na landi su papa to malwa galobi te tamu batindi poza kiseke di na Maroc i pare avec ma kolinga vi. Do ya lelo pe lokula. Merci beaucoup de comprendre. Merci. Tamba Pambola, il était mes cerveaux. 089-44-44-471. Tosine de Komsous, allô? Allô? Skype, hein? Top Congo FM, allô? Et tous les mots n'ont rien sous cas. Photo, photo, tant qu'un message SMS. Ok. Allô. Oui. Allô. Ok. Malheureusement, ton Kokoba. Allô. Allô. Bonjour. Oui. Je suis sur Top Congo. Oui. Et vous êtes en direct. Merci. Bonjour, Monsieur Thomas Luaka. Bonjour. Bonjour à tous les animateurs. Sont avec lui au studio. J'ai une question à poser à propos de M. Etienne Tshisekedi. Il y a toujours une polémique autour de son titre académique. Les uns disent qu'il est docteur en droit, les autres disent qu'il est honoris causa, il n'est pas fort, donc il n'a pas reçu la formation des juristes Alors, la question est de savoir si M. Thomas Loaga peut nous aider. Quel est le titre, disons, le sujet que Étienne Tshisekedi a développé pour sa défense dans son travail de fin d'études, s'il peut nous donner seulement le titre, et puis c'était en quelle année, et il a obtenu quelle mention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, on s'occupe d'un appel, un message SMS dans 089 44 44 470. Vivez la meilleure expérience Internet avec la 4G plus d'Orange. Numéro 1 en couverture et qualité réseau. Voilà. Donc, on s'occupe d'une réponse à Thomas Loaga. De quoi le bossoir tout naki, ben enseignement topé les sonini, t'auras qu'au tirer dans l'histoire, il y a Tshisekedi, de bon histoire non estilité, on est trop bien la conclusion, ben enseignement et à qu'au tirer, ben généraux et à coup d'état, ben on est basala qui ben ministre, de quoi lobby, tout n'est question. Non, moi la maca comme ta côté comme premier ministre. Ben sous basala qui wapi, basala qui. Non, ben quoi c'est vraiment le gouvernement. Ben tu regardes quand on a tiré. Ok, de quoi lobby, ben autant on lobby mambi maman Viviane, on lobby ma rambouya géopolitique. Habitant au Béti de Solowana, mon cannabis vous a qui n'a combien de provinces 21 provinces. Réaction à Étienne Tshisekedi, tant que Baboma est politicien à la stade. Oui, tout le monde a dit qu'il a soutenu, il a appuyé, mais il y a des étudiants et choka qui est. Il y a un peu de temps gouvernement. Moto a évolué, moto a moto. Je ne peux pas savoir pourquoi, dans un moment, dans un moment, il y a un changé. Mais 66, il a appuyé. 69, il a été révolté dans un massacre avec étudiants. Et Baniko P, ça peut moi bocaboner dans mon bout. Voilà, Deko, oui, Deko Msous par lobby. Pourquoi Étienne Tshisekedi a qui au la politique, pourtant il y a ça attend à qui droit? Non, non, non. Question est que l'ambition de Tshisekedi est là qu'il y a comme un juge. Oui. Hein, il y a une ambition comme un politicien. Oui. Deko, les ambitions évoluent. Tout le monde a qui en émission, il y a Mobutu. Mobutu, il y a comme un sango. Mobutu a qui n'a comme un commissaire. Na kamarani na yena seminaire kwa kumasango noko na ye lando mtu akine ko bimisa iko na ndemo Mobutu ako aibi politiki tende asuka abe Mobutu lelo et puis et tomona ke exemple msu non na bitili sola ngwate mtu msu super ke ne ko mi komisa na musala sango alinga ko masango basango baboy candidature na ye parce que c'est là qui enfant unique à l'époque ezala na église catholique ezala na armée pa enfant unique babane ko zwa bangote yesu ko baboy ye po azaleki abote meka yemo kona kati ya libuma tata na ina mama na ye kombo na itabulei akoya kama musician munene akendeki babu yake na simine ndeya kama nepe abetabu ndeko msusu ndeko kama libiso message sms kombo ndeko Axel Kama depuis Sanda secteur ya Lukunga a lobby bon a comprendre madame Muteta au lobby bana ya ndeko Etienne Tshisekedi bazali kiboni bangonyo soto est-ce que bazali bangonyo soto na bomoi tope bakufa ndeko ozongela mingi question a bota na basi boni wana na ebite oui mais bana nyoso bazali vivant na ebite je peux pas répondre en tout cas bana yena mama Marthe bazali vivant bangonyo soto bazali mais bana Etienne Tshisekedi ko abota ki na basi misusu na ebi nombre na bangote na ebite boni bakufi boni bazali vivant mais na ebike bazali bele. Albi ndekomso lobi mama abi opesa biso kombo ya papa oya boti Etienne Tshisekedi na koma mama na ye za feline na limite Alexis Mulumba Mulumba Alexis Mulumba na Agnès Kabena. Bonjour, la fréquence a utile monsieur Thierry Cambondier Marcel si a lieu d'organiser parlons-en histoire avec Thomas Loaga sur la vie du président honoraire Joseph Kabila. Merci, c'est Teacher Nixon Massingi depuis Mongafula. Alors que faire pour participer à l'émission Les Débats? Bon. Par rapport à Congo, on a besoin de détails. Moi, comme quelqu'un, oui. Donc, on a qui Étienne Tshisekedi, comme on a Étienne Tshisekedi. Tant que Mobutu a créé authenticité en 1971-72, à quoi ça a longo le combat Étienne a commis Tshisekedi Wamulumba. Tshisekedi moins la Mulumba. Voilà. Alors, on découvre le besoin de la mouquée, Mambi Matali Bongo manifeste en scellé. Oui. Bon, alors qu'il a compris qu'on m'a la moutée. Olobaki. Non, c'est les projets de société, hein, père. D'accord. Voilà. De comme sous soit lobby, quel est le sujet développé? Mention, il y a Étienne Tshisekedi. Avant si ça. À formation, il y a formation Étienne Tshisekedi, Azali. Tshisekedi Azali droit na Lovanium. Azali licencié en droit, il y a université à Lovanium. À l'époque, licencié en droit, Azali qui régime il y a Belgique, na régime il y a Congo. Moto a sali licence, abimi licencié en droit à l'époque, babane ko bengaye docteur en droit. Yango wana na 61, Tshisekedi azali docteur en droit. Na 1967, Kengo Wadondo abimi docteur en droit na Université libre de Bruxelles, ULB. C'était organisation yaba étude na tango wana. Deko suka lobaki pona nini ndeko kin question mina ba kundaye na na bandundu pourtant a otaki Lubumbashi. King Kessera zali mwana ya Kikwiti. Azali mwana ya Kikwiti akendeki classe na université ndaki ndako tanga na Lubumbashi. Azamu ta Lubumbashi. D'accord. Voilà. Et puis bakundaye na nécropole, bakundaye na la bandundu te. Voilà, ndeko lobia yo kikumbo akarwa, rigen nolona bia sepeli, pona mambio lobi. Voilà. Merci, merci mingi ndeko Toma Luaka pona ndenge to soli na yo. Sur Etienne Yami Balé, il y a Bomoi Yakondo, Etienne Tshisekedi wa Mulumba. L'opposant Tshisekedi, tu redécouvrir la naissance de l'opposant. Voilà. Mardi prochain, à cadre, parlons histoire. Merci Nabino Banso Bolanda Gibiso. Émission pour Nabaye. Tant que tu as dit que tu as dit que tu as dit que plateforme Nabiso en ligne, connexion comme même mon boulot. Mais l'émission est à retrouver sur toutes nos plateformes en ligne. Merci Nabino, merci Nandeko Marcel, Azaki Nangai, merci Alain Bungu, John Kondé, et Patrick Mungongo, Bazaki Ongambo et Régie, Radio na Vidéo, Tokutani Lobby. Vivez la meilleure expérience Internet avec la 4G+ d'Orange, numéro 1 en couverture et qualité réseau.